Arrête un peu d'ouvrir ta gueule avec tes remarques à deux balles. Ne vois-tu pas que tu parles tout seul? Tu veux d'atteindre mon piédestal. C'est ton orgueil et ta connerie qui pousse à passer pour un con. Tu n'écoutes pas ce que l'on dit, car tu as tout de ta raison. Tu ne comprends pas jamais, car tu es con comme un mal. C'est pourquoi désormais, tout ce qui porte chez mon cas. Tu ne comprends pas jamais, car tu es con comme un mal. C'est pourquoi désormais, tout ce qui porte chez mon cas. I don't give a shit, hey, I don't give a shit, hey, I don't give a shit, hey, I don't give a shit, I don't give a shit. What you think about it? I think they run right well, like my opinion, damn, you're fine. I don't give a shit, what you think about it? I think they run right well, like my opinion, damn, you're fine. Ma mère n'insulte pas la parole, pas voir ailleurs si je me la colle. Tu crois peut-être que tu te le pire, mais j'ai pour toi que du mépris. Que les gens crèvent tous pas. Car t'es con comme un mal. C'est pourquoi désormais tout ce qui porte chez mon cas. Tu ne comprendras jamais. Car t'es con comme un mal. C'est pourquoi désormais tout ce qui porte chez mon cas. I don't give a shit, hey, I don't give a shit, hey, I don't give a shit, hey, I don't give a shit, I don't give a shit. What you think about it? I think they run right well, like my opinion, damn, you're fine. I don't give a shit, what you think about it? I think they run right well, like my opinion, damn, you're fine. I chance to the bonne school, pour ceux qui ne savent pas penser. Tout ce qui se passe autour, pour toutes les personnes désœuvrées. La tolérance et l'empathie, ça est belle et bien finie. Je ne crois pas dans l'égoïsme, il est mon plus fidèle ami. Tu ne comprendras jamais, car t'es con comme un mal. C'est pourquoi désormais tout ce qui porte chez mon cas. Tu ne comprendras jamais, car t'es con comme un mal. C'est pourquoi désormais tout ce qui porte chez mon cas. I don't give a shit, hey, I don't give a shit. I don't